Ouais, Devser. C'est dans la tendance ou quoi? C'est ça. Tout sauf dans la bonne direction. J'arrive, je débarque serein et je suis prêt à prendre tous les risques. Je n'ai pas besoin de promo pour m'affirmer et vendre du disque. La tendance, je viens l'inverser. Même si je vais te la mettre sévère, à ma vue, les gars sont énervés. Mais tôt ou tard, ils me vénèrent. Accusé d'être le meilleur, alors mon flow est illégal. Tu me fais en fait sur ton album pour l'avantage commercial. T'es pas du rap de baltringue et j'ai des tasses en guest. Toutes veulent me pomper pour les groupies. I am the best. Ne cherche pas, tu peux pas me tester. Tu ne peux pas comprendre, tu me cours après, mais je suis trop loin, moi. Je ne vais pas t'attendre. T'es trop petit pour me dépasser car je domine le show business. T'es un épris dans ma coque. Vas-y, c'est bon contre le stress. Au sommet, y'a pas de place pour toi. Je m'y suis installé, pépère. Et tu ne peux pas me faire descendre. Remballe donc ton revolver. Si tu n'aimes pas ce que je raconte, casse-toi par contre, amène ta sœur. Allez, je me suis assez exprimé. Signé lyrics featuring Dev, sœur. Pour toi, c'est. Tu fais chier, mec, comme mon joueur, je te fume direct. Pour toi, c'est. La vie de sur mon gland, pour te tirer à blanc. Conscience, pour toi, c'est. Dans ton bloc, salope, pour te bloc face à mon glock. Conscience, pour toi, c'est. Mon gars, vous étiez face à l'as, et touchez des liasses. Si dédédégaine, si tu dédédécon, toi tu bébé game, moi je te dédédégomme. Ah ouais, toi t'es César, perso je suis Astérix. J'ai la potion magique, prends l'assurance tout risque. Je vais te cramer le cul sur un rare radiateur. Mais vas-y, lève la main avant le clash entre les gladiateurs. Toujours à l'affût, j'ai affûté mes rimes. L'insolence au mic, ouais, à la Jacques Mérine. Mais sois pas vexé si t'es qu'un virus qui passe pas. Perso je suis vacciné, donc ben vas-y casse-toi. Même la capuche sur la tête, je peux pas passer incognito. Bah ouais, l'équipe y'a trop de susboules, de michetonneuses et de mythos. Avec ses verres vénères, j'envoie le pâté sévère avec ce son. Il s'avère que de blanc tu passes à vert comme un fanatique, comme un idiot. En toutes circonstances, j'ai le cerveau déconnecté, mec, c'est le son de l'inconscience. Pour toi, c'est. Tu fais chier, mec, comme mon joueur, je te fume direct. Conscience, pour toi, c'est. La vie de sur mon gland, pour te tirer à blanc. Conscience, pour toi, c'est. Dans ton bloc, salope, pour te bloc face à mon glock. Conscience, pour toi, c'est. Mon gars, vous étiez face à l'as, et touchez des liasses. Des tracteurs ou bien poteaux, pour toi, c'est l'inconscience. Libre derrière les barreaux, pour toi, c'est l'inconscience. Agent et sobre ou alcoolo, pour toi, c'est l'inconscience. À la rue, au resto, pour toi, c'est l'inconscience. Rebeu partout, négro, pour toi, c'est l'inconscience. Juif, musulman, catho, pour toi c'est l'inconscience. De penchant gay ou hétéro, pour toi c'est l'inconscience. De Lyon jusqu'au Creusot, pour toi c'est l'inconscience. Pour toi c'est. Tu fais chier, mec, comme mon joueur, je te fume direct. Conscience, pour toi c'est. La vie de sur mon gland, pour te tirer à blanc. Conscience, pour toi c'est. Dans ton bloc, salope, pour te bloc face à mon glock. Conscience, pour toi c'est. Mon gars, vous étiez face à l'as, et touchez des liasses. Ce genre de piste, c'est faisable par n'importe qui. Et si t'as kiffé ce morceau, ben c'est que t'as rien compris. Plus les rappeurs sont connus, moins ils sont respectables. Certains disent que le rap est mort, ce sont les premiers responsables.